J'sais plus où taper tête, tu sais plus où la mettre. J'sais plus qui veut quoi et qui veut me la mettre. Pour eux j'suis pas rien, j'viens d'une autre planète. Même moi j'sais pas si j'suis sur Terre ou sur Namek. J'sais plus si t'es vrai gros, j'sais plus si t'es faux. J'sais même plus tes qualités et tes défauts. J'fais des milliers 100% en mandat dépôt. En dum-dum, quitte à me prendre un défaut. Revole ta merde et fais ton manège. Tu pourrais glisser comme une Clio sur la neige. Ouais le game je nique et encore j'abrège. Dès que t'as le buzz, ils veulent tous graille comme des abeilles. Tu fais le mec d'aille, le nez dans les bails. Tu te rends devant les gens comme si t'allais gagner une médaille. Dis-moi pourquoi ils font tous comme ça. Le quartier c'est bien mais si tu demandes ça te mitraille. Franco je suis fâché. Les deux fous jamais la vie te faire calacher. Fais ma life ils veulent quoi, mon buzz ou mes bails. Ouais mais j'crois en moi qui retiennent ce message. J'suis sur les nerfs, fais gaffe ce que tu sous-entends. J'suis perdu comme une mère qui supporte plus ses enfants. Moi j'aime trop le quartier, j'aimerais revenir dans le temps. Quand on joue au foot dans cette cité sans banc. J'ai vu des poursuites, des mecs revenir sans dents. Recherché par les putes pendant que sa mère se fait un sang d'encre. Au check ça s'endort, ça salit, ça sépare. C'est du bonjour mais c'est la guerre parce que tout le monde veut sa part. J'ai fait d'une embrouille d'un regret pour que ça parte. J'parle de monter un réseau et de qui va faire la part. Qui partage les barres, qui va tenir les cartes. Qui va être dans le bloc ou devant la porte. J'fais des choses de la sorte, faut que mes frères s'en sortent de là. Ouais. Faut plus qu'on pleure des larmes. Tu fais le mec d'aille, le nez dans les bails. Tu te rends devant les gens comme si t'allais gagner une médaille. Dis-moi pourquoi ils font tous comme ça. Le quartier c'est bien mais si tu te demandes ça te mitraille. Franco je suis fâché. Les deux fous jamais la vie te faire calacher. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, n